Le 6 juin 1944. 6h30 du matin, les portes des péniches de débarquement s'ouvrent, et les hommes se jettent dans l'eau glaciale de la Manche, sous le feu nourri des mitrailleuses allemandes. Mais pour en arriver là, il faut remonter plusieurs mois en arrière. En 1944, la guerre a basculé. À l'est, l'armée rouge avance après Stalingrad et Koursk. Dans le sud, les Alliés ont déjà débarqué en Afrique du Nord, en Sicile, puis en Italie, forçant Mussolini à capituler. Mais un front manque encore, l'ouest de l'Europe. Staline le réclame depuis 1942, pour soulager ses troupes qui affrontent l'essentiel de l'armée allemande. C'est à la conférence de Téhéran, en novembre 1943, que Roosevelt, Churchill et Staline s'accordent. L'invasion aura lieu au printemps 1944, et ce sera en Normandie. Pourquoi pas le Pas-de-Calais, pourtant plus proche? Parce que les Allemands s'y attendent, et que leurs défenses y sont les plus puissantes. La Normandie, moins fortifiée, offre de larges plages et la possibilité de capturer rapidement des ports stratégiques comme Cherbourg. Le général américain Eisenhower prend le commandement. L'opération Overlord sera un double coup, à l'aube, un assaut amphibie massif, dans la nuit, des parachutages derrière les lignes pour sécuriser ponts, routes et zones clés. Pendant ce temps, l'opération Fortitude bat son plein, faux chars gonflables, avions en bois, signaux radio fictifs, tout pour convaincre Hitler que le vrai débarquement aura lieu à Calais. La nuit du 5 au 6 juin, des milliers de parachutistes américains de la 101e et de la 82e division sautent à l'ouest de la zone d'assaut, tandis que la 6e division aéroportée britannique atterrit à l'est. Les largages sont souvent dispersés à cause du mauvais temps, et de nombreux hommes se retrouvent isolés, combattant par petits groupes. À l'aube, la flotte alliée, plus de 5000 navires, approche des côtes. Les plages sont codées. Utah et Omaha pour les Américains, Gold et Swart pour les Britanniques, Juneau pour les Canadiens. Sur Utah, les Américains avancent relativement vite. Mais à Omaha, c'est un carnage, mer agitée, tirs croisés depuis les bunkers, obstacles piégés. Les soldats progressent mètre par mètre, parfois en rampant, au prix de lourdes pertes. Malgré la mer déchaînée, le feu ennemi et les défenses du mur de l'Atlantique, les Alliés parviennent à établir des positions solides à la fin de la journée. Le prix est lourd, près de 10 000 pertes alliées, dont plusieurs milliers de morts. Les semaines suivantes sont marquées par de violents combats dans le bocage normand, un terrain dense de haies et de chemins creux qui favorisent les défenseurs. La prise de Caen, en juillet, ouvre enfin la route vers l'intérieur. En août, l'armée allemande se replie en catastrophe, Paris est libéré le 25 août 1944. À partir de là, l'Allemagne est prise en tenaille. L'armée rouge progresse depuis l'est, les Alliés avancent depuis l'ouest.